Arrête. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Huguette. Bonjour, bonjour. Bonjour Josie. Bonjour tout le monde. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour. Voilà. Et avant qu'on commence et qu'on parle de votre actualité, je vais vous. On a des places à faire gagner. Alors il y a 4 repas au break. Comme d'habitude, voilà, vous allez sur notre page Facebook, vous donnez votre nom et les 4 premiers gagnent un repas au break, restaurant créole et européen qui se trouve zone industrielle Le Tronquet à Auchan. On est partenaire avec eux. Ils font des spectacles tous les soirs, sauf le lundi. Et des karaokés aussi. Et des karaokés. Et en plus, on a 4 places pour la vendredi 10 février. On est partenaire et on enregistre le concert acoustique pop rock dans le cadre Soif de culture, c'est proposé par la ville de Monteux et c'est le groupe Karma et Live Music, qui est une association qui revient, qui nous chanteront, c'est comme ça, des Rita Mitsuko, des chansons de Sting, d'Abba, de Police, et c'est à 20h30 et l'entrée c'est 6 euros tarif plein, et si vous faites pré-vente ou si vous allez sur billets réduits, c'est 4 euros. Donc nous serons là, nous tiendrons la buvette. Chapelle des Pénitents en noir, c'est ça? Voilà, Chapelle des Pénitents en noir à 20h30 à Monteux, c'est vendredi 10 février. Bon, maintenant nous revenons à nos deux amis. Ben oui, voilà. Avec plaisir. Alors, les Bazarettes, qu'est-ce que c'est les Bazarettes? C'est un duo, mais vous êtes des amis, vous êtes... Je vais laisser répondre l'auteur. Hein. Ah, voilà. Oui, on est amis. On est amis à la scène. On n'est pas du tout amis dans la vie. Ah ben pas du tout. Non. Ben non, ça serait vraiment... Ah non, ça, pas du tout. Alors les Bazarettes, ben, elles existent depuis... Faut expliquer pourquoi on n'est pas amis, sinon ils vont se poser des questions, les auditeurs. Elles sont fâchées. Non, parce que je ne peux pas être amie avec ma fille. Oui, parce qu'en fait, on est mère et fille sur scène. Quoique, si on peut être amie des fois quand on est maman. Mais est-ce que ça vous aide ou est-ce que ça vous dessert? Alors honnêtement, quand on est sur scène, je pense que c'est pareil pour Nathalie, moi je n'y pense pas. Oui, bah, pareil pour moi. Je n'y pense aucunement. Exactement. Que je joue avec ma fille, moi je joue avec ma partenaire et jusqu'au bout je ne pense pas du tout que c'est ma fille, vraiment pas. Par contre on a une complicité sans faille. Bien, vous mais bien sûr. Alors est-ce qu'on aurait la même, si on ne peut pas le savoir, est-ce qu'on aurait la même complicité sans être mère-fille? Mais la complicité a été là tout de suite, c'était harmonieux, ça coulait, ça se passe bien sur scène. Oui, alors il faut dire que le numéro 1, puisqu'il y a 3 Bazarettes. Ouais, oui, c'est quand même. Alors, qui ne se suivent pas, je précise. Non, qui ne se suivent pas. On peut les voir dans le désordre. Absolument. Non, oui, tout à fait. Alors, le premier, qui s'appelle Les 4 saisons, je ne sais pas Nathalie qui jouait avec moi, hein, c'est une première partenaire. Par contre, quand elle est arrivée dans les Bazarettes, avec les Bazarettes, j'ai écrit le 2 et le 3 vraiment du sur-mesure pour elle. Oui. Mais vous avez changé l'optique. Absolument, le personnage joue différemment. Et... Elle n'avait peut-être pas le même âge, la dame, enfin, je ne sais non, pas. Non, ma première partenaire, elle était plus proche de mon âge que l'âge de Nathalie. Oui, au départ, les Bazarettes, ce sont 2 copines, effectivement, donc plutôt du même âge. Mais finalement, après on peut être amie en ayant une différence d'âge, ce n'est pas un souci. Et ça, pour juste remettre les Bazarettes en Provence, ça c'est veut quoi dire quoi? Eh ben ça veut dire les tchatcheuses, les pipelettes, voilà, ben les bavardes, tout ce que vous voulez, tous les synonymes. Tu as vu elle, comme elle est habillée aujourd'hui. Alors, c'est pas pour dire, hein, parce que vous le savez, nous on n'aime pas critiquer, hein, mais quand même. Ça fait passer le temps. Ça c'est le leitmotiv de la pièce, on entend souvent cette phrase, justement. Donc l'historique, donc après vous vous êtes retrouvée toute seule, Huguette? Oui, parce qu'au bout de 7 ans avec qui j'avais joué, donc... On peut dire avec qui, puisque c'est une comédienne de la région quand même, Lily Vacher. Hein, Lily Vacher donc, a arrêté pour des raisons privées. En fait, son mari trouvait qu'on jouait trop. Et il faut dire qu'on a joué 4 mois à Paris quand même. Oui, bien sûr. Et là, le mari a explosé. Il a dit non, c'est plus possible. Donc, Elle a choisi entre le mari et la scène. Voilà. Mais elle a repris la scène très vite, sauf qu'entre-temps, Nathalie était la place arrivée. Était prise, donc, hein. Voilà. Qui va à la chasse perd sa place. Et comment c'est arrivé? Bon, vous êtes dit, je me retrouve toute seule. Et pourquoi vous avez eu l'idée de prendre Disons que j'ai appelé au casting et puis rien ne me convenait. J'ai dit à Nathalie, écoute, il y a des contrats qui arrivent, là, très vite. Il faut absolument que tu m'aides. Elle apprend très vite. Et elle m'a dit, oui, mais alors c'est pour te dépanner, hein, parce que moi, j'ai pas mal de choses à faire sur Paris. Ok. Et puis, au bout de quelques contrats, elle m'a dit, maman, cherche pas, hein, je reste. Je reviens chez moi. C'est tombé au bon moment. Voilà, c'est tombé au bon moment. Je pensais sincèrement que c'était pas pour moi les Bazarettes, parce que, pour tout vous dire, j'avais jamais, moi, joué de rôle comique. Voilà. Et je ne me connaissais pas une nature comique, en fait. On va continuer tout à l'heure. On fait une petite pause musicale. Tout à fait. Et on va retomber sur votre côté comique. Fly FM, le meilleur des meilleurs. Bonjour sur Fly FM 89.9 avec toute notre équipe et les Bazarettes qui sont là depuis, enfin qui créent, c'est une dame qui s'appelle Huguette Valérie, je peux le dire à l'intérieur. Oui, bien sûr. Qui crée des pièces depuis 2005. Je crois que vous avez fait trois pièces différentes et qui ne se suivent pas. Il y a la 1, la 2 et la 3. Absolument. Quand les communes ont eu le numéro 1, ça s'est super bien passé. Vraiment un gros succès auquel je ne m'y attendais pas. On m'a demandé s'il y avait une suite. J'ai dit non, mais je vais écrire un nouveau spectacle. Et puis quand les communes ont eu le 2, elles ont voulu un 3. Donc voilà. Et maintenant, les communes qui ont eu les 3 me demandent le 4. Bon, voilà. Alors, et c'est comme Rocky ou Rambo, vous savez. Vous avez Bazarette 1, Bazarette 2, Bazarette 3. Le retour. Jusqu'où va-t-on aller? Je sais et pas. Et les pièces 1, 2, 3, qu'est-ce qu'elles ont en gros le thème? Les 3. Les personnages? Non, mais il y a l'histoire. Est-ce qu'il y a une histoire Non, il y a les histoires sont très différentes, puisque dans le premier, nous sommes en cure de thermale d'amaigrissement. Dans le second, nous sommes concierges d'un immeuble, mais de luxe. Nous ça correspond au Bazarette. Des locataires très... très, très pénibles. Non. Nous très originaux. Un avocat. Il y a de quoi parler là-dessus. Un immeuble de luxe dont nous avons des gens huppés. Dans le troisième, nous ouvrons un salon d'esthétique. Donc on se retrouve esthéticienne. Donc rien à voir. On peut voir le 3, le 1, le 2 dans le désordre. Des sujets où on peut parler effectivement beaucoup. De toute façon, on cherche du début à la fin. On fait une petite pause, on se retrouve tout à l'heure et on demandera où c'est que vous trouvez toutes ces idées. Oui. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-brac à idées. Et là, nous avons les Bazarettes. Donc, où trouvez-vous toutes vos idées? Parce que bon, c'est pas évident, hein, de mettre ça... Les idées, il suffit d'observer autour de nous. C'est la vie des gens, la vie de quotidien. Le quotidien, oui, absolument. En plus, je suis quelqu'un qui ne note rien sur les petits papiers comme je devrais, peut-être, parce que quand j'ai des idées, je dis, tiens, ça, c'est super pour les Bazarettes. Et puis bon, bien souvent, on ne retrouve plus notre idée. C'est vrai. Elle est partie. Et il n'y a rien à faire, j'arrive pas à marquer. Alors tout arrive comme ça. Et quelle formation vous avez, vous? Je sais que votre fille a fait le conservatoire à Paris. Alors moi, c'est très spécial. J'étais chanteuse d'orchestre, puisque mon époux avait son propre orchestre, l'orchestre François Contat, qui a été repris par le fiston, Laurent Contat. Ah oui, ça, c'est vrai, effectivement. Ouais, c'est vrai, voilà. Moi, quand j'étais jeune, je connaissais. Voilà, alors moi, j'étais la chanteuse de l'orchestre. Et puis, un jour, mais vraiment, j'ai dû passer une radio des poumons, le contrôle, comme tout artiste doit faire. Et le pneumologue qui me dit, bon, votre mari, ça va, mais alors vous, il faut arrêter de fumer. Je n'avais jamais fumé de ma vie. Ah, oui, mais alors il m'a demandé le métier que je faisais. La fumée des autres. Absolument, j'étais donc une fumeuse passive. Et quand on est rentré à la maison, j'ai dit à mon mari, bon, on finit les contrats de l'orchestre et puis j'arrête tout. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas interdit de fumer dans les salles de bal et que la fumée monte. Donc, les gens sur scène sont les premiers touchés, en fait. Quand vous pensez qu'au cinéma, on pouvait fumer? C'est ça. C'est impressionnant. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Mais quand tu vois ça, la télé, ça te choque. Ah oui, ça choque maintenant. Mm-hmm. Hein, c'est rare qu'il y ait un film où on voit... Par contre, vous voyez des films des années 40, 50, ils ont tout le temps la cigarette à la main. C'est ça, et je trouve que c'est un beau progrès à ce niveau-là. Tout à fait. Donc, par obligation, vous avez changé d'orientation. Par décision, parce que je n'étais pas obligée de l'arrêter, mais par décision. Et puis, alors, le hasard fait bien les choses. J'ai un ami, Yves Michel, qui est assez connu dans la région, qui habite Lagne, qui me téléphone et qui me dit je suis embêtée, je cherche une comédienne, mais très vite, dans 3 semaines, nous avons un spectacle. Et en fait, le personnage principal féminin avait des problèmes de santé, il fallait la remplacer. Donc il me dit, j'ai pensé à toi. J'ai dit, mais moi je ne suis pas comédienne, je suis chanteuse. Il me dit, mais c'est une comédie musicale. Je sais que tu es danseuse, chanteuse, mais il y a plus à chanter et à danser qu'à parler, donc ça devra faire l'affaire. Donc voilà, me voilà entraînée dans ce nouveau projet. Et puis ça m'a plu. Et Yves Michel faisait à l'époque une création tous les ans pour le festival de la Sorgue, à Lille-sur-Sorgue. Et j'ai fait partie de toutes ces pièces. Et puis au bout de quelques années, j'ai dit quand même, il faudrait peut-être que je prenne des cours de théâtre. À l'envers, vous avez tout à l'envers. Tout à l'envers. J'avais joué je ne sais pas combien de pièces, énormément. Et puis j'ai dit, je veux quand même aller. Alors je me suis inscrite au Conservatoire d'art dramatique à Avignon, puisqu'il n'y a pas d'âge limite, il y a une classe adulte. Et voilà, j'ai fait mes 3 ans à Avignon, puis après j'ai fait des cours à Paris, sous la direction de Jean-Paul Zenacker, Perrette Souplex, Caroline Claire. Enfin voilà, puis j'ai fait des tas de stages, mais par plaisir, parce que j'étais déjà... Vous aviez déjà une carrière derrière vous. J'ai fait à l'envers, ma carrière à l'envers. Voilà comment je suis devenue comédienne, grâce à Yves Michel. Et metteur en scène, comment êtes-vous devenue? Alors metteur en scène, parce que mon village où j'habite, à Saint-Didier, j'ai créé... à Saint-Didier, avec mon époux, parce qu'il a toujours été là auprès de moi, l'école de musique, l'école de danse et l'école de théâtre que j'ai dirigée pendant plusieurs années avec des élèves enfants, adolescents et adultes. Et je continue d'ailleurs dans mon village à faire ceci. Voilà. Voilà comment je suis devenue metteur en scène, en mettant en scène mes élèves d'abord. Voilà, oui, vous avez appris petit à petit. Sur le terrain. Voilà, sur le terrain. On dit, c'est la meilleure école. C'est la meilleure école. Nous allons faire une petite pause, après on reviendra à Nathalie. Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. Bonjour Fly FM 89.9, après Florent. Avec Monsieur Fiori, on va passer au Bazarette qui, justement, vous avez un spectacle bientôt, une surveillance. Oui, le vendredi 17 février à la salle des fêtes d'Aubignan. Alors, l'entrée est gratuite. Profitez-en. Il y a combien de places? Oh, je ne sais pas, mais elle est assez grande, de toute façon. Mais je crois que c'est gratuit, mais sur réservation. Oui, réservation à l'Office du Tourisme. Si Office du Tourisme, d'accord. Office du Tourisme d'Aubignan. C'est pour éviter qu'au cas où ça les gens ne s'en retournent pas. Voilà. En plus, il pleut. C'est plus prudent. Voilà. Et la pièce, elle dure à peu près combien de temps? 1h30, mais avec les Bazarettes, elle peut être rallongée. Et vous avez une entracte, je pense? Pas du tout. Pas du tout. Donc pendant 1h30, vous êtes sur scène. 1h30, c'est ça. Et le spectacle, c'est les 4 saisons. Les 4 saisons. C'est le numéro 1. Le numéro 1 qui revient, qui n'est pas démodé. Absolument pas. Alors, on commence par le printemps dans ce spectacle. Le printemps, nous nous trouvons en cure thermale d'amaigrissement. Et puis arrive l'été. Alors, la cure a tellement bien... c'est tellement bien passé que nous nous retrouvons en maillot de bain sur la plage. Oh, mais vous y êtes vraiment en maillot de bain? Ah, ben ça, il faut venir voir. Justement, vous avez un décor? Ah ben le décor, dans ce cas-là, quand il y a 4 saisons comme ça qui passent, il n'y a pas de décor principalement, mais beaucoup d'accessoires par contre. Voilà. Alors, les saisons changent, mais les Bazarettes sont toujours sur scène. Parce que même quand elles se changent derrière le paravent, le spectacle continue. D'accord. Il n'y a aucun temps mort. Voilà. C'est fatigant, non? Pendant une heure du tout, là, ça bouge, au contraire. Non, ça c'est pas fatigant. Et puis c'est notre métier. ça s'apprend à garder l'énergie du début jusqu'à la fin. Pas sans baisse de régime, comme on dit. Non, mais ça se passe super bien. Et on en redemande à chaque fois. On a une standing ovation chaque fois. Ah ben c'est super. Et Nathalie, donc vous étiez dans le classique. Oui, j'ai commencé plutôt par le classique. Et votre mari a décidé, vous a dit, tu as un tempérament comique. Quand maman m'a proposé les Bazarettes, je pensais vraiment que c'était pas pour moi. Et c'est lui qui m'a dit, il est metteur en scène, il m'avait dirigé, il me connaît. Il m'a dit, tu as une nature comique qui s'ignore, je crois que tu es la seule à pas le savoir. Vas-y, colle-y-toi et tu vas voir. Et ça s'est super bien passé, effectivement. Et donc, j'ai continué les Bazarettes. Et maintenant, ça va faire bientôt 6 ans, hein. 6 ans que c'est moi. Oui, oui, parce que le premier enfant de Nathalie a 6 ans et j'ai commencé enceinte de mon premier enfant. Voilà. Elle a continué à jouer avec moi enceinte de son deuxième et elle a continué de jouer avec moi enceinte avec son troisième. C'est ça. Bon, ben, le quatrième, ça sera le quatrième. J'en voulais trois, c'est fait. Bon, c'est bon. Et en dehors d'Aubignol, je pense que vous avez d'autres projets, moi pas trop en parler, mais vous allez jouer ailleurs après ? On va jouer ailleurs, mais bon, dans différents départements. Oui, mais c'est vrai qu'on a écumé le Vaucluse. Voilà, franchement, on a écumé le Vaucluse. Alors, c'est très rare de nous revoir par ici. C'est pour ça que profitez de venir à Aubignan. Peut-être à Sarrien, ça vous tenterait. Ah, mais ouais, moi, je vais de partout. Sarrien, on n'a jamais joué. Voilà, on n'a jamais joué. Un message en l'air. Si quelqu'un nous entend, on a des amis là-bas. Voilà, il y a quand même pas mal de communes en Vaucluse. On en a fait énormément. Pas toutes, on a fait le Festival d'Avignon sur 4 années consécutives. Ça s'est super bien passé et ça nous a justement fait connaître dans d'autres villes, puisque le festival est fait pour ça. Hein. Bien sûr. Et les gens, les décideurs arrivent de très loin et puis après nous font venir dans leur propre ville. Et le plus loin où vous êtes allé jouer ? Ben, je crois que c'est Paris. Paris. Paris, on a fait 4 mois à Paris. Et vous êtes jamais allé dans le Nord parce que je suis sûre qu'il rirait beaucoup. Ah ben, c'est vrai. Oui. Et la Suisse aussi. Oui, c'est vrai qu'ils aiment bien l'accent. Oui, ouais. Les Suisses sont friands aussi de l'accent provençal. Oui. Même en Belgique, vous pourriez aller. Bah oui, dans tous les pays francophones. Voilà. Au Canada, voilà. Non ah bah on y a pensé. On a pensé au Québec. Mais c'est pas évident. Hein. Ouais, c'est oui, pas oui, évident. Oui. Évident. Je crois qu'on va se faire une petite pause et après on va remixer tout ça. Ok. Des amours meurent, des amours naissent. Les siècles passés disparaissent. Ce que tu crois être la mort, c'est une saison et rien de plus. Un jour lassé de cette errance, tu t'en iras, quelle importance. Car la terre tournera encore, même quand nous ne tournerons plus. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire. Les étincelles deviennent des flammes, les petites filles deviennent des femmes. Ce que tu crois être la mort, c'est un brasier et rien de plus. Nos déchirures, nos déchéances, on pense qu'elles ont de l'importance. Mais demain renaîtra le jour comme si nous n'avions pas vécu. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Des amours naissent, des amours meurent. Ce soir, enfant, je n'ai plus peur. Je sais que je t'aimerai encore quand la terre ne tournera plus. Des amours naissent, des amours meurent. Ce soir, enfant, je n'ai plus peur. Je sais que je t'aimerai encore quand la terre ne tournera plus. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Ce qu'il a donné, ce qu'il a donné, Fly FM 89.9. Et Huguette nous parlait d'un petit incident, enfin d'une anecdote qui lui est arrivée au Festival Off d'Avignon, le jour de la canicule, je ne sais plus quelle année c'était. Oui, une année de la canicule, c'était en 2006 ou 2007, je ne sais plus maintenant. Donc on tractait dans les rues comme tout comédien qui tracte avant le spectacle. Et nous jouions à 14h, donc on tractait entre midi et deux, donc la grosse chaleur, sur la place de l'horloge, entre autres. Et puis nous étions en tenue d'entrée en scène, c'est-à-dire avec nos peignoirs de bain, charlotte et chaussures plastiques. Et je voyais des gens, quand je leur donnais le tract, qui regardaient au-dessus de ma tête. Je disais, mais pourquoi ils regardent ma charlotte? En fait, ils ne regardaient pas ma charlotte, ils regardaient les vapeurs d'eau qui sortaient de ma charlotte. Il faisait tellement chaud que j'en transpirais, que voilà, non, la vapeur d'eau qui s'échappait de ma charlotte. Il faut avoir de la vertu pour les tracter mois de juillet en plein Avignon. Alors ça m'a fait un bien énorme quand je suis allée sur la balance, parce que j'avais perdu en 3 semaines 6 kilos. Non mais en c'est plus, génial. Donc ne faites plus de régime. Vous mettez un gros peignoir, une charlotte, des choses, vous allez entre midi et deux dans les rues d'Avignon. Vous allez voir, ça marche super. Moi je voulais vous demander pourquoi Morissette et Georgette, vous qui n'aimez pas les noms en hein, Ah ben parce que moi j'ai un ami qui s'appelle Maurice que j'aime beaucoup, donc j'ai mis Morissette. Et j'ai un oncle qui s'appelait Georges, qu'on appelait Jim, mais qui s'appelait Georges et que j'aimais énormément. Donc voilà pourquoi Georgette et Morissette. Et pourquoi vous appelez Huguette Valérie? Pourquoi vous n'avez pas gardé votre nom? Qui est connu quand même dans le coin. Parce que Huguette Valérie était déjà là avant Madame François Conta. Ah voilà. Tout d'accord. Simplement, donc je n'ai pas changé. Voilà. J'étais chanteuse d'orchestre avant de connaître François Conta, qui est devenu mon mari. Donc j'étais déjà Huguette Valérie, donc je suis restée Huguette Valérie. Et puis de toute façon, mes enfants portent le nom. Laurent Conta a gardé son nom, Nathalie Conta a gardé son nom. Ça faisait beaucoup de Conta, la mère Conta. Surtout dans le Conta, il y en a quand même pas mal des Conta. Voilà, à ce propos, j'ai une petite anecdote. Oui, j'ai de la famille, je suis d'origine italienne, de par mon papa. Et la première fois que mes oncles et tantes sont venus en France, on leur a fait visiter la région et puis ils voyaient 10 Conta, Conta bureau, Conta ci, Conta là. Ils m'ont dit, pharmacie, il y en a plein. Alors, ils m'ont dit, c'est tout à toi ça. J'ai dit, bien sûr, c'est tout à nous ça. Ah, c'est bien, ça, c'est bien. Oui, parce qu'ils ignoraient que... C'était le Conta Vanessa. C'est pas très connu. Hein, c'est... Bon. Et si on récapitulait votre spectacle de vendredi, donc c'est vendredi. Vendredi 17 février, salle des fêtes à quelle heure? À 20h30. Voilà, et plutôt prendre ça, j'arrive à le dire. Réserver auprès de l'office du tourisme. Voilà. Et je crois, Nathalie. Oui. Ah, je me mélange. Valérie, Nathalie. Vous avez aussi une actualité autre. Est-ce que vous la parlez? En ce moment, oui. Ah bah, c'est-à-dire que je joue dans d'autres spectacles qui sont aussi des comédies, aussi formidables. Donc, nous serons le 18 février au Centre culturel des Augustins à Pernes-les-Fontaines, dans le cul des étoiles. Un spectacle, une comédie, mais c'est aussi un spectacle poignant et poétique. C'est poétique, oui, parce que vraiment. Le Q avec la lettre. Alors, c'est la lettre, oui, on est à la radio, c'est la lettre Q comme Quentin, comme QI. Je l'ai vu, ce spectacle, j'ai vu sa première à Château-Renard, et franchement, recommande. Oui. C'est inattendu, et on est un peu dans le théâtre de l'absurde parfois. Ah oui, j'adore l'absurde. Mais oui. Et aussi, j'ai la chance de faire partie de l'équipe de Quai du Bonheur. Oui, j'allais le dire. Voilà, Quai du Bonheur. Nous étions à Monteux récemment. Et ça marche bien aussi. Alors là, on est plus dans une comédie de boulevard familial, très sympathique. Et le prochain, Quai du Bonheur, c'est où? Ouh là là là là là là là. Je crois que... Oh, je sais plus. Ah, parce que j'ai pas tout... C'est pas grave, je chercherai. Voilà. Un planning très chargé. Oui, entre les différents spectacles, c'est chargé. Vous n'arrivez pas des fois à vous mélanger les pinceaux? Non, parce que chaque rôle est très différent. Et chaque pièce est très différente aussi. Voilà. Huguette, est-ce que vous comptez continuer longtemps? À être une bazarette. Oh, jusqu'à ce que la santé me permette d'être sur scène. Le 4 Ben, j'ai des idées pour le 4, j'ai des idées, mais bon, rien n'est encore écrit, rien n'est sur le papier. Donc ça va venir d'un coup peut-être. Hein. Parce que une fois que j'ai tout dans la tête, je vous dis tout dans la tête parce que j'écris pas de petits papiers, Après, je peux écrire en 15 jours, oui. Ça se met en place quelque part. Hein, je pense qu'on a des choses, et vous aurez sûrement des trucs à raconter sur le 4 aussi. Bon, ben, je crois... Oui, j'ai pas pas mal d'idées, mais c'est toujours pareil. Hein. Les idées, bon, c'est simple, hein, c'est simple à dire, mais après, il faut les dialogues, c'est autre chose. Oui, quand même. Là, on va faire une pause, et à la fin de l'émission, on récapitulera votre spectacle de vendredi 17, on en reparlera. Avec plaisir, avec plaisir. À tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub, sans pub. Au-delà des orages, je pars en voyage. Mon âme en vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie. Être vivant, énormément. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Fly FM 89.9, Alain, je crois que tu as un livre à nous proposer. Oui, alors aujourd'hui je vais vous faire La fleur de l'illusion de Keigo Higashino aux Actes Sud. Alors on dit que c'est un roman policier, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est un roman japonais. Et si c'était un roman policier, ça serait vraiment dans le style des tout premiers romans policiers, c'est-à-dire qui a fait quoi. Oui, c'est assez... Mais, c'est toute l'atmosphère par elle-même qui est intéressante. Alors, je vous fais le pitch. Une jeune femme, Lino, vient de perdre son cousin Naoto. Personne ne comprend pourquoi ce dernier a mis fin à ses jours. Il ne montrait aucun signe de dépression et son groupe de musique était aux portes du succès. À l'occasion du drame, la jeune femme se rapproche de son grand-père. Elle découvre alors ses extraordinaires cultures de fleurs. Fascinée, elle lui propose de tenir un blog pour présenter son travail. Alors le grand-père accepte, mais à une condition, ne rien poster sur une certaine fleur jaune qu'elle a vue chez lui. Quelques jours plus tard, Lino rend visite à son aïeul et retrouve son corps sans vie. S'apercevant que le pot contenant l'énigmatique fleur jaune a disparu, elle décide de mettre en ligne une photo prise le jour du blog. Rapidement, un certain Gamo Yosuke, qui se prétend botaniste, la contacte, lui conseille de supprimer la photo et de lui apporter la fleur. Chez lui, elle va faire par hasard la connaissance de son jeune frère, Sota, qui ne comprend pas pourquoi son aîné s'intéresse à cette fleur et s'est fait passer pour un botaniste alors qu'il travaille dans la police. Lino et Sota se mettent à enquêter ensemble pour découvrir ce qui se cache derrière cette mystérieuse fleur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fleur? Quel est le lien entre le suicide du cousin, l'assassinat du grand-père? Qu'est-ce qu'on a volé chez le grand-père, parce que ça semblait être un crime crapuleux, et le tout en lien avec cette fleur jaune. Alors c'est comme tous les romans japonais, c'est très calme, une atmosphère feutrée, mais c'est hyper passionnant, on le lâche pas. Est-ce qu'il y a toujours le physicien? Non, pas là. Donc, c'est d'habitude, il y a un physicien, oui, et un inspecteur. Là, c'est sur des personnages totalement différents. C'est autre. Oui. Moi, le plus que j'avais aimé, c'était le premier, c'était la maison où je suis mort autrefois. Je trouvais qu'il y avait un suspense. Et là, il n'y avait pas ce physicien. Il n'y était pas, c'est après. Il y avait un dialogue, finalement, ouais, entre deux personnages. Et c'était éblouissant. On aurait cru presque du théâtre d'Ibsen. Ouais. Ben moi, j'aime bien. Très, très plat, très calme. Ça te file des frissons. Oui, mais à ce point. Ah, il tue quand même, hein, mais calmement. Calmement. C'est plus des romans dramatiques que des romans policiers. Ah oui, c'est très. Enfin, moi, j'adore. Bon, je vais le lire. Remarquable. Celui-là, je ne l'ai pas lu. J'ai lu tous les autres, sauf celui-là. Alors, je répète, La fleur de l'illusion de Keigo Higashino aux éditions Actes Sud. Et il est sorti en 2016, en novembre. Oui, oui. Voilà. Comme l'autre, le mercredi dernier, c'était pareil. C'était un livre de novembre 2016 aussi. Fin 2016. Ah ben, j'essaye de faire du. Oui, du récent. Du récent. Bon, on passe. Ouais, vas-y. Et la semaine prochaine, je vous présenterai un film, un roman qui est d'actualité, je dirais. C'est La vengeance des mères de Jim Ferrius. C'est la suite de Mille femmes blanches. C'est sorti récemment aussi. C'était très bien, Mille femmes blanches. C'était très bien. Bonne lecture aux autres. Voilà, oui, vous allez dans les bibliothèques, vous allez à la scène. Vous allez. Bon, on se fait une pause et après on parlera de films. L'IFM. Ici, les plus bonnes idées avec le temps. Ensuite, plongez au cœur de plus de 40 minutes de hit, sans pub. À la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Tout part toujours dans le flot, au fond des nuits sereines, ne vois-tu rien venir? Les naufragés et leurs peines qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Always lost in the crève un abcès, c'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules. Oh, sombrero de la mer qui ont su traverser les océans du vide. À la mémoire de mon frère dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-brac à idées. Et Josy va nous parler d'un film, je crois que ça s'appelle L'Ascension. Oui, c'est un film qui est sorti le 25 et qui dure 1h43. C'est une comédie de Ludovic Bernard avec Ahmed Silla et Alice Belaïde. Ouais, j'ai vu la présentation, ça a l'air pas mal. C'est un jeune de banlieue qui veut se surpasser. Et qui est amoureux et qui promet à sa bien-aimée qu'il va gravir l'Everest. Sauf qu'il aurait mieux fait de se taire parce que vu les conditions de froid et de tournage, ce monsieur, quand même, il a perdu, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, 7 kilos. Déjà qu'il n'est pas épais. Oui, donc c'est un long métrage de Ludovic Bernard qui a remporté à la 20e édition du Festival de films de comédie le prix du public et le prix du grand jury. Le grand prix du jury qui est présidé par Omar Sy. Donc effectivement, il dit à sa belle, je vais gravir l'Everest pour toi. Et il s'appelle Samy et il aurait mieux fait de se taire parce que Nadia, elle lui croit plus du tout à ses belles paroles, elle se dit, il va pas le faire. Et puis finalement, il le fait, tout le monde va le suivre et il quitte sa cité et part gravir les 8848 mètres. Et il est bien équipé, je crois pas trop, hein. Ben, il fallait qu'il s'équipe quand même, parce que oui, il devait peut-être pas savoir trop à quoi il allait se tenir, ce qu'il allait faire. Donc c'est un film qui est dépaysant, qui a de l'humour, où il y a une grande aventure. C'est ce film, donc, il a été tourné au Mont-Blanc et au Népal. Ils ont fait un repérage en été. Ils sont allés surtout, c'est à Chamonix, là où ils ont le plus souffert du froid, parce qu'ils ont tourné par moins de 30. Donc c'est un film à voir pour l'humour, pour le paysage, je pense. Et on se couvre bien pour aller le voir. Parce que moi, voilà. Quand je vois de la neige, ça me gèle. En ce moment, je trouve qu'il y a pas mal de films pour la famille. Oui, ouais, ben c'est les vacances, vendredi. Voilà. Donc je pense. La télé, c'est génial. Ouais, en tout cas, les extraits que j'ai vus, c'est génial. J'aime bien, moi. J'ai vraiment beaucoup ri. Là, j'aime bien. Il était chez Ruquier, là. Je l'ai vu débuter. C'est... Ah oui, surtout que vraiment, en plus, bon, d'après les conditions de tournage, ils ont eu du givre sur les combinaisons, ils ont mis du moins de 30. C'était pas la vapeur d'eau qui sortait de la Charlotte. Ou alors elle a congelé au fur et à mesure qu'elle sortait. Quand même, ces comédiens, ils ont de la vertu. C'était les glaçons qui se formaient sur sa tête. Et c'est d'après, ça a été tourné d'après un livre qui s'appelait Un tocard sur le toit du monde, qui avait été écrit par un journaliste qui s'appelait Nadir Dendoun. D'accord, je ne savais pas ça, tu vois. On en apprend tous les jours. Et c'est une histoire, elle avait été médiatisée en 2008 par ce monsieur, je crois, qui avait monté l'Everest. Et moi, je voulais parler de... Je ne sais pas, vous vous rappelez les Fraises du désert qu'on avait reçues? Oui, la team qui fait faire le rallye au Maroc au mois de octobre. Donc, elles sont venues ici. Et donc, elles m'ont envoyé un petit mot en me disant qu'elles seront dans le hall de l'hôpital de Carpentras demain, à partir de 9h. Elles vont vendre des crêpes, des boissons chaudes, et elles vont vendre des objets qu'elles ont fabriqués elles-mêmes, tout ça pour payer leurs frais. Et donc on les recevra l'année prochaine quand elles auront fini leur c'est le mois d'avril qu'elles partaient, c'est non, ça c'est, tu confonds, mais les Clems. Elles partent au mois d'octobre. Elle. Voilà. Et en plus, on est en partenariat avec Le Break, qui est un restaurant créole dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Créole européen. Et il y a un concours de chant. Donc samedi, au Break, à 20h30, il y a une sélection. Au Ponté, c'est zone industrielle Le Tronquet, c'est derrière Au Panda, c'était anciennement Hippopotamus. Voilà, c'est des gens charmants. Et tous les jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, il y a des spectacles. Oui, je sais. Et voilà. Karaoke le vendredi. Karaoke. Voilà, on va se faire une petite pause. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Take me away from simple. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9. Alors, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Ah bah alors moi si alors moi c'est pas pour ce week-end, Marcus, parce que vu que c'est un spectacle du 24 mars et que je pense qu'il faut réserver, si vous aimez Yves Montand, vous avez à Veden pour 40 euros, mais il faut réserver à l'hôpital, l'opéra. On était sur l'hôpital tout à l'heure. À l'opéra d'Avignon, je sais qu'il ne faut pas donner le téléphone, mais je vais quand même le donner. Oui, parce que les gens roulent. Voilà. L'opéra d'Avignon, vous allez vers, donc, sur le site, je pense, 40 euros, une réservation pour le 24 mars. Voilà. Et si vous n'avez pas Internet, il y a l'annuaire. Voilà, c'est à 20h30, c'est un spectacle qui dure 1h30. Et Lambert Wilson, il chante Yves Montand. Alors, il y a une trentaine de chansons qui sont reprises. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est Bruno Fontaine qui a fait la direction musicale et les arrangements. Il y a 6 musiciens sur scène. Il chante, entre autres, il va vous reprendre des chansons qui sont connues, La bicyclette, Les grands boulevards ou Syracuse. Donc, j'aimerais... Voilà, ouais, je pense que c'est quelque chose à aller voir. J'aime bien sa voix. Yves Montand, oui. Ah ouais. Yves Montand, chansons, j'aime bien Yves Montand et la voix de Lambert Wilson. Moi, je l'avais vu dans... À la poursuite du marsupilami, il faisait une parodie de Céline Dion. Mon Dieu, que ça me... Mais il était habillé en Céline Dion, alors tu le vois, c'était trop rigolo. Mais je pense, en plus, je trouve qu'ils ont le même style, ces deux messieurs. Que ça soit oui, tout à fait. Wilson, il a la classe, Lambert Wilson. Oui. C'est pour ça que Lambert Wilson en Céline Dion, ça, c'était quelque chose. 24 mars. Hein. Ouais. Bon, mais moi, je voudrais vous emmener dans les airs. Easy Helico et Air Passion vous proposent, pour les passionnés d'aéronautique, des journées portes ouvertes. C'est les week-ends, donc ceux-là, le week-end, samedi 11 et dimanche 12, c'est de 9h à 18h. Et le temps du week-end, c'est la découverte de l'univers des hélicoptères, des ULM, de l'aviation en général. Et vous pouvez y aller, l'accès au site est libre. C'est sympa. Bien sûr, les vols sont payants, hein, faut pas rêver. Bon, les curieux, les passionnés de petits aéronefs pourront accéder gratuitement aux hélicoptères et autres ULM, à une caravelle, même, j'arriverai à le dire, une caravelle d'Air France, et même à un Mirage F1C de l'armée de l'air. Les membres des clubs fourniront des explications sur leur fonctionnement et leur pilotage. Il sera possible d'effectuer des vols tout au long de la journée, baptême d'hélico et d'ULM, découverte, initiation, grand tour, et de prendre les commandes en fonction de la formule choisie. Alors la moins chère, c'est 25 euros. Voilà, il faut réserver. Alors l'adresse, c'est contact aéroport d'Avignon-Caumont, 335 avenue Clément Adair, bien sûr Adair, hein, c'est le père de l'aviation, bâtiment Alpha, hangar Fox 84000. Voilà. On fait une petite pause et après on va revenir avec nos Bazarettes qui vont nous parler encore de quelques petits, de leur spectacle et peut-être une anecdote ou deux si on a le temps. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9. Est-ce que tu as quelque chose encore à nous proposer pour le week-end? Toujours pas le week-end. Toujours pas le week-end, non, mais pourtant il y a des choses. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, parce que moi, je vais parler... J'anticipe parce que vous avez aussi une pièce de théâtre qui arrive le jeudi 9 mars à 20h30 à l'Espace Ozone de Carpentras. C'est une pièce de théâtre de Samuel Taylor avec Ingrid Chauvin et Francis Huster. C'est une comédie romantique et délicate avec de l'humour, une ironie. C'est Sous le soleil de Rome, sur les traces de George, un businessman américain puritain, et Allison, une jolie comédienne anglaise qui cherche à localiser les dépouilles de leurs parents qui ont disparu dans un accident de voiture. Ah ouais, c'est gay. Alors il y a des périples. Donc, c'est gay quand même. Oui, mais donc c'est avec de l'humour. Ah bon, ça va, ça sauve la chose. Voilà, il y a un lutien diabolique qui est joué par Thierry Lupès, qui incarne à lui tout seul tout le charme et l'humour italien. Bon, voilà. Et c'est à l'Espace Ozon. À l'Espace Ozon, le 9 mars, 20h30, à Venti. Et il faut réserver, bien sûr. Je pense qu'il faut réserver. C'est tout public et c'est spectacle assis, avec placement libre. Et il y a un tarif de 30 euros et un tarif réduit de 20 euros. Et vous pouvez aller sur le site www.carpentras.fr. D'accord. Et moi, du 18 au 25 février 2017, il y a le festival de danse Les Hivernales qui a lieu chaque année durant, bien sûr, les vacances d'hiver, parce que ça s'appelle Les Hivernales. Ça s'appelle Les Hivers aux Mômes. Alors, aux avec un chapeau et les mômes. C'est un programme, bien sûr, pour le jeune public. C'est un festival que vous pouvez admirer au gré des créations et des spectacles majestueux. Et c'est un peu de partout dans Avignon, donc il faut se renseigner. En outre, ce festival propose des stages, des expos, des conférences, des vidéos et des débats ainsi qu'une scène ouverte. Bon, c'est quand même copieux comme programme. Et comme chaque année, une attention particulière sera portée au rendez-vous avec le public. C'est les hivéroclites. Alors c'est encore un jeu de mots, n'est-ce pas? Scène ouverte aux nouveaux talents en entrée libre. Voilà, et vous pouvez vous renseigner www.hivernal-avignon.com www.hivernal-avignon.com. Et là, je crois que nous allons peut-être quitter nos amis. Non, on a encore un petit moment. Alors, je crois que dans votre spectacle du vendredi 17, qu'est-ce qu'il y a de spécial qui se passe? De spécial, il faut rappeler que c'est interactif, puisque nous faisons participer un couple du public. Et je rassure les amis, les copains, mais ils le savent, je ne choisis jamais quelqu'un que je connais. Donc c'est un pauvre inconnu qui passe à la moulinette. Comment c'est ça. Mais en fait, il y a une partie du spectacle improvisé, puisqu'il y a de l'improvisation. Un petit moment sur scène avec nous. Mm-hmm. Voilà. Et vous avez des surprises parfois? Oh, ça s'est toujours bien passé, sauf une fois où le monsieur, entre guillemets, un peu trop fanfaronné, on va dire, et du coup, on l'entendait plus que moi, j'ai dû l'arrêter en disant, on l'entendait, je ne peux pas en placer une, pour une bazarette, c'est quand même, voilà, là, bon, il a fait son mariole, comme on dit chez nous. Hein. Ça n'existe pas le masculin de bazarette, hein? Non, je ne crois pas que bazarée existe, non, oui, je ne sais pas. Il faudrait l'inventer, peut-être. Pourtant, on dit que les femmes, elles le tchatchent, mais les hommes... Quand ça les intéresse, oui, c'est vrai. Elle aussi, hein. Il me regarde, on me dit, qu'est-ce que tu dis, Josie? Je suis calme, je ne dis rien. Non, toi tu dis rien, mais des fois tu dois observer. C'est vrai que c'est le plus sage de l'équipe, pour l'instant. Oh, Gilles, il est pas mal. Il nous fait chute en plus. Bon, donc votre spectacle, c'est vendredi. Vendredi 17 février, salle polyvalente à 20h30. Il est conseillé de réserver auprès de l'office du tourisme, même que ce soit gratuit. Bien sûr, bien sûr. Et parce que c'est un placement libre en plus. Donc, ah oui, placement libre. Voilà. Alors les premiers arrivés seront les mieux servis. Je crois qu'on fait une petite pause et après on terminera en beauté. Et tu nous diras le mercredi prochain de quoi on va parler. Parfait, ok. Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. Fly FM, je crois que tu as d'autres trucs à nous annoncer. Tu voulais pas parler du BAFA? Oui, si vous voulez faire un stage de BAFA au sein de la MJC de Carpentras, vous avez des dates, c'est entre le pendant les vacances, donc cette semaine, la semaine prochaine, du 11 au 18, et du 20 au 25, vous pouvez y aller à Carpentras, donc à la MJC, pour faire le BAFA. Évidemment, c'est payant, je n'annonce pas les tarifs à l'antenne. Non. Mais s'il y a peut-être des places, les jeunes qui veulent passer le diplôme pour... voilà. Le BAFA, c'est pour garder les petits, pour travailler c'est au sein des centres aérés, des écoles. Oui. Qu'est-ce que ça peut apporter d'autre? Je crois que je fais le tour. Oui, les colonies de vacances. Les colonies de vacances, merci Alain. Mmh. Donc voilà, la MJC de Carpentras. Voilà, on avait reçu Maud. Hein, oui, voilà, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'elle nous avait dit qu'elle avait ça au programme dans l'année. Voilà, oui, elle m'invite, mais je n'ai pas le temps d'aller de partout. Elle m'invite souvent, parce que la MJC de Carpentras, elle est quand même très active. Hein, oui, il y a pas mal de trucs. Hein. Voilà. Je précise juste, si vous loupez le stage du mois de février, il y en aura d'autres au mois d'avril et au mois d'octobre 2017. Ça recommence, ça suit pas. C'est, parce que des fois, c'est en plusieurs fois. Non, tu sais pas. Non, apparemment, c'est des modules. Voilà, ils se rapprochent de la MJC, ils se renseignent. J'ai le temps de dire un petit peu quelque chose, voilà. C'est un spectacle de cirque contemporain, ça, vélo acrobatique. C'est la compagnie Razo Terrain, au Thor. Vous connaissez l'auditorium Jean Moulin. Et c'est le vendredi 10 février. Voilà, c'est le soir, je crois. Et c'est acrobatie avec, sur et sans vélo, portée acrobatique, main. Alors, je pense que pour les enfants, ça s'appelle linge sale. Alors, linge sale nous entraîne dans un monde de mouvement où un couple partage un florilège d'émotions brutes. Elle et lui se portent, s'élèvent, se soulèvent, se laissent tomber pour mieux se retrouver. Ce récit performance avec ou sans vélo incarne la relation à deux où complicité rime avec chute ou affrontement rime avec douceur. Ça, c'est mignon. Donc, je crois que c'est à l'auditorium, j'en suis sûre même, l'auditorium Jean Moulin et c'est le vendredi 10 février. Et la semaine prochaine, nous avons Monsieur Marshall qui va nous parler du Casque et l'Enfant. C'est une association qui aide les enfants malades dans les hôpitaux. Ça, c'est une belle chose. Voilà. Et la rediffusion, c'est vendredi à 14h. Et les bases arrêtent le 17 février à Aubignan. À Aubignan, allez, c'est gratuit. Rapprochez-vous de l'office de tourisme pour prendre les réservations. Et nous, on se voit samedi vendredi. Vendredi soir à la Chapelle des Paysans Noirs à Monteux pour le concert. Un concert acoustique avec nous à la buvette. Voilà. Et on enregistre le concert qui sera rediffusé. Merci Claudie pour toutes ces informations. Au revoir les bases arrêtent. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir, merci beaucoup.